Voie 9, le train est à destination de Tour et Taxi, Termonde, de 9h06 arrive, voie 9. Spoor 9 de S-Train, Arthur, un taxi, Dendermonde, van 9h06, content, Spoor 9. Voie 14, changement de voie, le train ici à destination de Louvain, gagne de 9h12, partira de la voie 12, attention, voie 12. Voie 12, au lieu de 14, Spoor 13, Spoor de Rondelin, ici, train à Leuvengen. Van Degenur 12, centre très commande, Spoor 12, Pandak, Spoor 12, Spoor 12, une place, van 14.